Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jina la Mungu wetu lipewe sifa. Que le nom de notre Dieu soit loué. Bila kawia tashimama, tupate kuheshimia sauti ya Mungu. Sans tarder, mettons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Banduku, badada bena tupata kunja internet, tunabasalimu vile vile katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Des frères et des sœurs qui nous suivent en ligne, nous les saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tutaomba Mungu. Avant tout, nous allons prier. Katika jina la Yesu Kristo. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Baba, tunasema asante. Père, nous disons merci. Kwa pumuzi ya uzima unatupachia mangaribi ya siku ya leo. Pour le souffle de vie que vous nous donnez ce soir. Kukubantu banapatikana kumafuashi kukumvita. Il y a des gens qui se retrouvent dans des endroits où il y a la guerre. Bengine banafanya misiba mbalimbali. Les autres ont connu des différents accidents. Bengine peko kumabitanda ya hopitalo. Les autres se retrouvent dans les lits d'hôpitaux. Lakini kama shi unatupachia nema ya kufika mu presence yako. Merci à nous, tu nous as donné la grâce de venir dans ta présence. Jina lako lisifiwe sana. Que ton nom soit vivement loué. Bariki mkusaniko ya mangaribi ya siku ya leo. Beni notre réunion de ce soir. Unitumie sawa chombo, niseme maneno kutokea kwako. Utilise moi comme un instrument afin que je puisse parler des paroles venant de toi. Na usaidie ndugu yangu ekona nitafsiri. Aide également mon frère qui m'interprète. Bariki kila nduku na dada alifika mu présence yako. Beni chaque frère et chaque sœur qui est venu dans ta présence. Bagonjwa katikati yetu, munganga niwe Yesu Kristo. Que les malades qui sont au milieu de nous, c'est toi seul le grand médecin. Binye kuangaika, tunaamini kusema wewe ulishinda dunia. Je sais que ceux qui ont des tourments, je sais que toi Dieu, tu as vaincu le monde. Saidia kila nduku na dada. Aide chaque frère et chaque sœur. Banduku bengali munjia bena kwa mu présence yako. Des frères qui sont en route en venant dans ta présence. Batembeshe na kubafikisha msalama. Puisses-tu les faire parvenir en paix. Uanze pamoja nasi Bwana, umalize pamoja nasi. Commence avec nous et termine avec nous. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nalomba na kusema vile. Je viens Amen. Prier ainsi. Amen. Jude verset 3. Jude Musariatatu. Bien-aimé, Bapendwa, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Paravilena ritamani kabisa kumiandikia kwa ajili ya wokovu yetu sisi wote. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Narijikuta mwenye kulazimishwa nipate kumiandikia juu ya kumisubutisha na kukombana kwa ajili ya imani yetu. Yaye transmise au sein une fois pour toutes. Ile ilipelekwa kubatakatifu mara moja tu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Bwana Mungu abariki usomi wa neno lake. Nous continuons toujours avec notre sujet intitulé combattre ardemment pour la foi. Tukunaendelea paka na shina letu yenye kuitwa kwamba kupika vita ya nguvu sana kwa ajili ya imani. Hier l'Esprit du Seigneur nous a dit c'est un combat, même pas un combat contre un frère ou une sœur. Jana roho ya Mungu ilituambia kwamba hii vita aina ya ukombanisha nduku wala dada. La lutte contre les esprits méchants. Lakini ni ya kukombanisha mapepo mchafu. La lutte contre les démons. Ni ya kukombanisha mademona. Un combat pour vaincre le monde. Vita juu ya kushinda dunia. Vaincre les péchés. Kushinda zambi. Et se vaincre soi-même. Na kujishinda wala kujitawala wewe mwenyewe. Lutter pour ne pas tomber dans des pièges des démons. Kupika vita juu sianguke katika mitego ya mademona. Un combat pour ne pas tomber dans des fausses doctrines. Vita juu siangukie mu mafundisho ya bongo. mais marcher toujours avec la victoire de la parole. Alakini kuendelea kutembea na ushindi ya neno la Mungu. C'est ça notre combat. Ile ndio vita yetu. Rester seulement du côté du Seigneur Jésus-Christ. Kubakia paka ngambo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Et persévérer toujours dans la volonté du Seigneur. Na kuendelea kudumu mu mapenzi ya Bwana. Malgré la maladie, ijapokuwa magonjwa. Malgré les troubles, ijapokuwa mizozo. Malgré la persécution, ijapokuwa mateso, malgré tout ce qui peut nous arriver, ijapokuwa ile yote inaweza kutufikia, nous tenons toujours à la parole. Tasimama imara mneno la Mungu. Et quand nous lisons au livre de Matthieu chapitre 24, tukisoma mu Matayo sura 24, au verset 12, le Seigneur nous dit ceci. Mstari ya 12 Bwana anatuambia hivi. Matthieu chapitre 24, Matayo sura 24, verset 12, mstari ya 12, parce que l'iniquité sera accrue, sa vile uovu itongezeka sana, la charité du plus grand nombre se refroidira, mapendo ya bantu mingi itapola, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alakini ule atadumu hadi mwisho ataokolewa. Amen. Amina. Le Seigneur nous a fait grâce. Bwana alitufanyia neema. Il nous a envoyé le message du temps de la fin. Alitutumia ujumbe ya wakati wa mwisho. Si le message dénominationnel pouvait préparer l'épouse, kama ujumbe ya kizebu ingeweza kutayarisha bibi harusi, Dieu ne devrait pas envoyer ce message ici. Mungu angetuma tena hii ujumbe hapana. Amen. Amina. Si réellement le message dénominationnel était efficace pour préparer l'épouse, kama hakika ujumbe ya kizebu ilikuwa na nguvu ya kutayarisha bibi harusi, Dieu ne devrait pas nous envoyer ce message. Mungu angetutumia tena hii ujumbe. Amen. Amina. Mais quand Dieu a envoyé ce message, alakini wakati Mungu alituma hii ujumbe, c'est parce que dans ce message il y a une puissance qui peut nous retourner à la foi apostolique. Ni juu hii ujumbe Mungu uwezo ya kuturudisha kuimani ya bamitume. Amen. Amina. Nous lisons un peu un message intitulé La voix du signe. Tunasoma mahubiri yenye kuitwa sauti ya alama. Au paragraphe 57. Nukta makumi tano na saba. Dieu ne change pas. Mungu abadirikake kamwe. Il fait une chose toujours de la même manière. Yeye anafanya kitu paka namna moya moya ile. La venue d'un prophète, kuja kwa nabii, est un signe montrant que Dieu s'apprête à parler. Ni alama yenye kuonesha kwamba Mungu yuko tayari aseme. Maintenant sondez les écritures. Sasa mchunguze maandiko. Voyez-vous, munaona? La Bible dit, Biblia inasema, Dieu a dit lui-même qu'il ne fait rien sans l'avoir révélé à ses prophètes. Mungu mwenyewe anasema ashifanyake kitu bila yeye kukifunulia wanabii. C'est juste. Mbia kweli. Il est fait à travers eux. Yeye anaifanya kupitia manabii. Parce que cela vient de. Kwani inatokea kwa manabii. Ce sont ses serviteurs. Ni watumishi yake. Vous savez, c'est très bien. Munajua ni mzuri. La venue d'un prophète. Kuja kwa nabii. C'est un signe. Ni alama. Qui est chaque fois négligé par les gens. Kila mara ile watu wako na sula. Ils négligent cela. Wanamusula. Ils ne comprennent jamais cela. Awayelewe kamwe. De toute façon, atazile, sauf ceux qui ont les yeux ouverts pour voir ceux qui sont élus pour voir cela, et ils les voient effectivement. Amen. Amina. Dieu ne peut pas envoyer un prophète comme un fantaisie seulement. Mungu hawezi kutuma tu nabii juu ya bule bule hivi hapana. Quand Dieu envoie un prophète, wakati Mungu ana tuma nabii wake, c'est un grand signe. Ni alama munene. Mais souvent les gens négligent ça. Kila mara batu banekalaka beko na isula. Mais sauf que il y a les élus. Alakini kuko bateule. Qui ont les yeux ouverts. Benye kwa na macho ya kuangalia. Pour voir l'action de Dieu aujourd'hui. Jua kuona tendo ya Mungu leo. C'est une grâce particulière. Ni neema ya upekee. Prouvant sa parole. Mwenye kwa kikisha neno lake ni mahubiri. Paragraph 143. Nukta 143. Nous lisons ceci. Tunasoma hivi. En effet, kwa kuwa, immédiatement après ce message-là, kisha tu ile ujumbe, la terre doit être consumée par les feux. Dunia inapashi kuchomwa na moto. Et les justes doivent marcher sur les cendres des méchants. Na wenye haki wanapashi kutembea majivu ya watu waovu. Mais donc ce n'est pas arrivé du temps des gens. Manake haikufike mwakati ya Yohane. Mais aujourd'hui, il faut que nous ayons un message. Leo inapashi tukue na ujumbe. Qui revienne avec force. Yenye kuya na nguvu. Pour faire sortir les gens de toutes les conditions dénominationnelles et les ramener à la véritable foi pentecôtiste, na kuwarudisha ku imani ya kweli ya kipentekosta originelle, ya kumwanjo, et nous voyons que c'est en train de se faire accomplir d'une écriture. Tunaona ya kwamba kunatimilika andiko kwa andiko. Il faut que cela se réalise. Inapashi ile ipate kutimilika. C'est le temps où nous vivons ce soir. Njo mwakati mule tukunaishi magharibi ya leo. Reconnaître le jour et son message. Kutambua siku na ujumbe yake. Un message puissant. Ujumbe ya uwezo. Un message qui revient avec force. Ujumbe kuya na nguvu. Pour nous faire retourner à la foi apostolique. Ya kuturudisha muimani ya kimitume. Pour nous faire retourner à la foi biblique. Ya kuturudisha muimani ya kibiblia. Amen. Amina. Parce qu'aujourd'hui le message dénominationnel wani leo ujumbe akizebu n'a pas une force. Aina na nguvu. Si le message dénominationnel pouvait avoir la force, kama ujumbe akizebu ingekuwa na nguvu, Dieu ne devrait pas envoyer ce message. Mungu hawezi kutuma tena hii ujumbe hapana. Et ce que le Seigneur nous demande ce soir, ile Bwana anatuomba magharibi ya leo, c'est la fidélité seulement du message. Ni uaminifu tu paka ku ujumbe. Restons seulement dans ce que Dieu a dit. Tubakie paka mukile Mungu alisema. Dieu veille sur sa parole. Mungu yuko na kesha yule ya neno pour l'accomplir. Tuapate kuitimiza. En dehors de la parole, inje ya neno lake, il n'y a pas Dieu. Hamuna Mungu. La fausse doctrine ne peut pas sauver. Mafundisho ya bongo hayezi kama kuokola. Les mensonges ne peut pas sauver. Bongo hayezi kama kuokola. Un véritable enfant de Dieu ne doit pas accepter les mensonges. Na mtoto wa kweli wa Mungu hawezi kama kukubali bongo. Esaïe chapitre 28. Isaïa sura makumi mbili na munane. Commençons verset 15. Jusqu'au milieu. Janzio mustari ya kumi na tano katikati. Esaïe chapitre 28 verset 15. Commençons au milieu. Isaïa sura makumi mbili na munane mustari ya kumi na tano. Aujourd'hui les gens se vantent à cause des mensonges. Leo bantu banajitukuza kwa ajili ya bongo. Car nous avons la fausseté pour refuge et les mensonges pour abri. Kwani tuko na bongo sawa kifuchamio na bongo mtupu sawa kimbilio. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Joko mana hivi Bwana wa milele anasema. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Tazama naliweka sawa msingi mziona jiwe. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Jiwe yenye kupimwa na jiwe ya mkona ya bei yenye kuwekwa na nguvu sana. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ula ataichugua sawa tegemeo, hawezi kuwa na uharaka ya kukimbia. Maintenant écoutez au verset 17. Mstari wa 17. Je ferai de la droiture une règle. Tafanya kwamba unyofu ipate kuwa kanuni. Et de la justice un niveau. Na uwaki ipate kuwa kipimo. Ça veut dire quoi? Manake nini? C'est-à-dire ceci. Manake nini? Dieu va faire de sa parole une règle. Mungu atafanya neno lake ipate kuwa kanuni. Dieu va faire de sa parole un niveau. Mungu atafanya neno lake ipate kuwa kipimo. C'est-à-dire tous ceux qui vont prêcher. Manake bale wote batahubiri. Ils doivent prêcher selon les règles de la parole. Wanapaswa kuhubiri kufuatana na kanuni ya neno la Mungu. Tous ceux qui vont prêcher. Bale wote batahubiri. Ils doivent déposer leurs parole comme un niveau. Wanapaswa kuleta neno labo sawa kipimo. Ne pas aller en dehors de ce que Dieu a déjà posé comme une pierre angulaire. Bashende inje ya ile Mungu anesha kuweka sawa jiwe ya mkono. Et la grêle emportera les refuges de la fausseté. Na c'est la pluie de pierre. Na mvula ya maiwe itachugua ile yote baruweka sawa kifuchamio. C'est-à-dire partout on a posé des faussetés. Manake fazi yote baruweka bitu ya bongo. Tout ça, un jour Dieu va détruire cela. Vile biote siku moya Mungu atabiharibu. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Na mai itayala kifuchamio ya bongo. Partout on a posé les mensonges. Fazi yote ile baliyenga bya bongo. Un jour Dieu va envoyer beaucoup de eaux pour inonder les mensonges. Mungu siku moya atatuma mai juu ipate kunyana pa bongo. Un jour tout mensonge sera emporté. Siku moya bongo bote batabubeba. Ce qui va subsister c'est seulement la parole. Ile tadumu ni paka neno la Mungu. Amen. Amina. Partout on a prêché les mensonges. Fazi yote ile baliubiri bya bongo. Partout on a prêché la fausse doctrine. Un jour le Seigneur va détruire cela. Aucun mensonge ne peut subsister. Hakuna bongo hata moja ile tadumu. Aucune fausse doctrine ne peut subsister. Hakuna mafundisho hata moja ya bongo ile tadumu. Sauf que là où on a prêché la parole, mpaka pale barubiri neno, c'est ce qui va demeurer éternellement. Ile ndio itadumu milele. C'est pourquoi ne vous cachez pas dans les mensonges. Bongo. Aujourd'hui c'est triste. Leo ni ya uzuni. Vous trouvez les gens utakuta watu qui ne savent pas même le prix qu'a coûté leurs âmes. Na bajua ta bei le rilomba manafsi yabo. Frère, Nduku, ma sœur, dada yangu, nos âmes ont coûté trop cher. Ma nafsi yetu ilomba bei ya nguvu sana. Mon frère là que tu es. Ndugu yangu pale uko. Ma sœur là que tu es, dada yangu pale uko, votre âme, nafsi yako, a coûté trop cher. Il nomba bei ya nguvu sana. Aucun prix sur cette terre ne peut être égal à notre âme. Hakuna bei hata moja kwetu kulinganishwa na nafsi yetu hapa dunia. Tout l'or de ce monde ne peut pas coûter le prix d'une seule âme. Mazabu yote hapa dunia Yesu kwa kulinganisha na bei ya nafsi hata moja. Tout le cuivre de la Jekamine. Ma cuivre yote ya Jekamine. Tout le cobalt de la Jekamine. Cobalt yote ya Jekamine. Ne peut pas sauver même une âme. Hayezi kuokola hata nafsi moja hata. Il fallait le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Il n'ombre pas qu'à dame ya bei ya le sang du Seigneur. Dame ya bwana wetu. Il nous a sauvés. Il tuokoa. C'est-à-dire quoi? Manake c'est-à-dire nos âmes. Manake manafsi yetu. Ont coûté le sang du Seigneur lui-même. Il n'ombre bei ya dame ya bwana yeye mwenyewe. Nos âmes ont coûté la mort de quelqu'un. Manafsi yetu ilikuwa ni bei ya rufu ya mtu. C'est-à-dire nos âmes coûtent trop cher. Manake, manafsi yetu ya bei sana. Comment est-ce que quelqu'un peut vendre son âme à cause d'un petit travail? Namna kani mtu anawezi kuuzisha nafsi yake juu ya kakazi tu kabule bule. Comment est-ce que quelqu'un peut vendre son âme? Namna kani mtu anawezi kuuzisha nafsi yake? Tel c'est mon oncle. Juu fulani ni muyomba yangu. Tel c'est mon neveu. Juu fulani ni mwipo yangu. Tel il est de ma tribu. Fulani ni wa kabila yangu. Vous ne comprenez pas les salis. Manake awelewe okovu. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Awelewe kinyeu kunafanya. Regardez même dans la nature. Tazameni hata mwasili. Vous entrez dans un restaurant. Unaingia mu restaurant fulani. Même si ce restaurant appartient à votre oncle. Hata kama ile restaurant ni ya muyomba yako. Même si ce restaurant appartient à votre tante. Hata kama ile restaurant ni ya sangaji yako. Mais vous entrez quand même. Lakini unaingia amo tu. Vous demandez un plat d'haricot. Unalomba amo chakula malaki. Un plat de poisson. Sani ya samaki. On vous dit donner 10,000 francs. Anakuambia leta 10,000 francs. Vous payez. Unalipa. Mais on vous présente un plat d'haricot. Anakuletea sani ya malaki. Mais là-dedans. Lakini mule ndani. Il y a des cafards déjà. Unaona amo ba mpenzu. Il y a des têtes de lézards. Bichwa ya misorio. Et la peau peut être des caméléons. Est-ce que vous allez manger quand même parce que le restaurant appartient à mon oncle? Non. Pour la protection seulement de votre ventre. Vous pouvez dire que non, retournez-moi mon argent. Je ne dois pas consommer ça. Et si les gérants essayaient de faire des résistances, moi je pense que vous pouvez même appeler la police pour qu'ils viennent à vous aider à prendre votre argent. Mais tout ça c'est pour protéger votre ventre. Mais nous aussi, il y a à protéger nos âmes. On ne doit pas pénétrer dans nos âmes même la fausseté. Que la fausseté soit chez mon oncle. Que la fausseté soit chez mon frère. Que la fausseté, ça va détruire mon âme. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez être jaloux de votre âme. Parce que votre âme a coûté la mort du Seigneur Jésus-Christ. Moi je ne dois pas sacrifier mon âme. Même s'il y a du fossé, il faut que j'entre dans cette église. Est-ce que vous comprenez seulement mon frère? Autant mieux d'abandonner le travail à cause de la parole, à cause de l'honneur à la parole, et le Seigneur vous aidera. Je vais vous donner un petit témoignage. Là chez nous, il y avait un frère qui est né handicapé, des pieds et des bras. Yamukono na mukulu. Les prêtres catholiques l'ont pris. Ba padri ba catholique ba kambeba. Les sœurs catholiques l'ont pris. Ba ma sœur catholique ba rumbeba. Ils ont commencé à l'aider. Ba kanza msaidia. Jusqu'à tel point. Kufika na mukimo. On l'a mis à l'école. Ba rumweka kwa masomo. Il a fait l'école primaire. Arifunda école primaire. On lui a aidé. Ba rumsaidia. Il fait l'école secondaire. Anafanya école secondaire. Il termine. Anamaliza masomo. On commence à lui faire des formations. Bakanza mufundisha ma formation. À l'hôpital. Ku hôpital. Après. Kisha. Il devient un laboratin. Anakuwa sasa wa kulabo, kutumika kulabo. On commence même à lui payer. Bakanza nakumulipa. Il épouse même sa femme. Akaoa na bibi yake. Malgré cela, il est resté comme l'enfant des sœurs catholiques. Parce que c'est eux qui ont fait tout pour lui. Mais un jour le frère là, il a passé au tabernacle. Et quand il a écouté le message, à la fin on a posé la question, c'est qui peut accepter le Seigneur comme son Seigneur et sauveur personnel? Le frère là a levé aussi sa main. On a pris le frère, on est allé le baptiser. Et quand on a baptisé le frère là, la nouvelle s'est répandue jusqu'au sœur catholique. Tout le monde, vous commencez à se plaindre que cet homme n'est pas reconnaissant. Ce sont les sœurs qui l'ont fait ce qu'il est. Il va faire Dieu va lui faire qu'il est écolé. Et les gens ont amené la nouvelle même au sœur. Et arrivé le lendemain matin, quand les frères se présentaient au travail, la sœur est venue. C'est qu'est-ce qui se passe avec toi? Nini, le frère l'a dit. Quoi ma sœur? Ah, kani, hakuna kintu. La sœur lui dit, paraît-il, toi tu as été baptisé hier à l'église tabernacle. Sœur akamuliza. Ikusawe, barienda kubatiza kwa tabernacle jana. Le frère a accepté. Oui ma sœur. Ndio barienda unibatiza kule. On m'a baptisé là-bas. Barinibatiza kule. Et la sœur lui a posé la question. Sasa sœur akamuliza. Réfléchis toi-même. Wewe mwenyewe waze tumbe. Entre le travail, katikati ya kazi et la foi na imani parmi ces deux choisis une seule chose chakula ko kintu kimoja et retourne directement à la maison na urudie pale pale ku mlango il reviendra ici après 30 jours utakuwa kisha masiku makumi pour me donner la réponse jua kunipatia jibu mais le frère lakini ndugu il est handicapé des pieds et des bras eko na ulema ya mkono na mkono. Le frère est allé à la maison. Il a dit ça à sa femme. La femme a dit, allons d'abord à cette église-là. Et quand on est allé à l'église, quand la femme a écouté la parole, la femme aussi a crié au message. 30 jours après, masiku makumi tatu kisha le frère est retourné à l'hôpital. Ule ndugu alirudia kule kwa hospitali. La sœur lui dit, sœur akamuuliza, qu'est-ce que tu as choisi? Una chakula cha wapi? La foi, imani ou le travail? Au kazi. Le frère dit, ma sœur, ndugu akamwambia, sœur, j'ai choisi la foi. Mina chakula imani. La sœur lui dit, sœur akamwambia, tu n'as pas compris. Aukushikie mzuri. Retourne encore. Urudie tena. Je te donne une semaine. Mina kupatia juma mzuri. Va réfléchir. Wende uwaze mzuri. Tout le monde dit. Bantu botra kakuya, bantu wa mjama yake, barafiki, bajirani. Utima perdre ton travail. Utapotesha kaji, utapotesha kaji. Utima sufri. Utateswa. Ici a dit l'oroposa, personne peut t'aider. Umu dilo lo, hakuna mtu wa kusaidia. Le frère dit, je comprends. Et une semaine après, le frère revient. Juma kisha, la sœur lui pose la question. Akamulisa. Le travail kaji ou la foi? Au imani. Le frère dit, anasema, ma sœur, je t'ai déjà dit, Milesha kujibu, j'ai déjà choisi Milesha la foi. Kuchakula imani. La sœur lui dit, sœur akamwambia, désormais, tangia leo, tu n'es pas notre travailleur, auna tena, va à ton église là, wende kukanisa ako kule, on te donne le travail, akupatie kaji, ici tu es licencié, sans préavis, et partez d'ailleurs. Hakuna ta kulipa, toka. Le frère a quitté le travail, nduko alitoka ukazi, il est venu à l'église, akakuwa kanisa, on a prié pour le frère, tunamuombea tu. Une semaine après, juma moja kisha, le frère est venu à Dilologa, nduko akakuwa kule, nous étions avec lui, tulikuwa na, et moi après, na, mwezi le mo, frère est venu à Kolwezi, nduko anakuwa Kolwezi, et son oncle lui a dit, mwiyombake akamwambia, qu'est-ce que maintenant je peux faire pour toi? Sasa wewe nitakufanyia nini? Le frère dit, nduko anasema, si vous pouvez m'amener toujours à l'école, kama unaweza kunipeleka pa kwa masomo, on l'a amené à l'école, akampeleka kwa masomo, le frère a étudié. Il a fait les laboratoires aux instituts supérieurs. Après, il a obtenu son titre de graduat. Il a étudié encore. Après, il est sorti licencié. Et comme promotion, quand il a occupé une poste à l'hôpital de référence de Mwangeji, le frère a obtenu une promotion très élevée. Maintenant, c'est lui qui devrait contrôler tous les hôpitaux là chez nous à Dilo. Et quand il s'est présenté à Dilo le poste, la sœur supérieure tremblait. Que fait un bon rapport. Oh, tu fais un rapport mzuri. Faut pas se souvenir de ce que nous t'avons fait ici. Et au moment où je vous parle, le frère, il est laborantin provincial là-bas chez nous au Lualaba. Qui a fait cela? C'est le Seigneur. Si vous honorez Dieu, Dieu aussi va vous honorer. Amen. Amina. Parce que nos âmes ont coûté trop cher. Nous devons être jaloux de nos âmes. Restez seulement avec la parole. Tout ce qui n'est pas la parole, mon frère, mettez de côté. Tout ce que vous voyez que ça peut vous suyer, mettez ça de côté. Le Seigneur vient bientôt. Bwana Yesu yuko anakuja sasa hivi. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, yote tukunamtumikia Bwana, un jour le Seigneur va nous payer. Siku moja Bwana Mungu atatulipa. 1 Corinthiens chapitre 15. Wa Korinto wa kwanza sura 15. Lisons son verset 58. Somme msada 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, hivi banduku bapendwa, soyez fermes, mpate kusimama imara, inembralables, bila kutenka, travoyant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, kuendelea kutumika mzuri, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Haitakuwa ya bule ndani ya Bwana. Ce que nous faisons dans le Seigneur, c'est bien mentionné. Dieu ne peut pas oublier ce que vous faites, mon frère. Dieu ne peut pas oublier ce que vous faites, ma sœur, pour son nom. Moi, je me suis toujours demandé, les gens qui ne veulent pas servir Dieu, ils pensent servir qui? Si mon frère, ma sœur, vous ne servez pas le Seigneur, vous voulez servir qui? Sasa, unapenda mutumikie nani? Si vous ne voulez pas croire à la vérité, kama upende kuamini kuukweli, et maintenant, qu'est-ce que vous voulez croire? Sasa, unapenda uamini vitu kani? Philippiens chapitre 2, wa Filipo sura yake ya pili, verset 16, mstari ya 16. Philippiens chapitre 2 verset 16. Wa Filipo sura 2 mstari wa 16. Portant la parole de la vie. Benye kuchugua neno ya buzima. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ. Nawezi ujitukuza musiku ya Kristo. De n'avoir pas couru en vain ni de travailler en vain. Ya kwamba mishi kutumike kazi ya bule. Tout ce que nous faisons dans le Seigneur. Ile yote tukunamtumikia Bwana. Les hommes peuvent oublier. Batubo, banawezi kusabu. Mais Dieu, lui, ne peut pas oublier. Alakini Mungu yeye hawezi kama kusabu. Parce que Dieu a un livre de souvenirs. Kwani Mungu yeye yuko na kitabu ya ukumbusho. Tout ce que vous faites, mon frère, tout ce que vous faites, ma sœur. Ile yote unafanya ndugu na dada. C'est bien enregistré dans les livres de souvenirs du Seigneur. Maneja andika mzuri mzuri mukitabu ya ukumbusho ya Bwana. Nous lisons Malachi chapitre 3. Utasoma Malachi sura 3. Malachi chapitre 3, commençons verset 17. Malachi sura 3, mstari 17. Commençons au verset 16. Dans le Moussari ya 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un l'autre. Basi wale wenye kumogopa Bwana wakambiana mmoja kwa mwingine. L'Éternel fit attentif et il les écouta. Wa milele aliteka sikio na kuwasikia. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Na kitabu ya ukumbusho wakaiandika mbele yake. Pour ceux qui craignent l'Éternel. Wa wale wenye kumogopa wa milele. Et qui honorent son nom. Na wenye kuheshimu jina lake. L'Éternel dit, ils seront à moi. Wa milele nasema watakuwa wangu. Dit l'Éternel des armées. Wa milele wa majeshi. Ils m'appartiendront. Watakuwa bangu. Au jour que j'ai préparé. Musiku le mina taarisha. J'aurai compassion d'eux. Na washikiri comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste katikati ya mwenye haki et le méchant, na mtu mbaya entre celui qui le sert katikati ya ule unamtumikia et celui qui ne le sert pas, na katikati ya ule wasipomtumikia. Amen. Amena. Tout ce que vous faites, mon frère, ma sœur, ile yote kunafanya ndugu na dada, faites-le de bon cœur, muifanye na moyo mwema, comme pour le Seigneur, sawa mwenye kumtumikia Mungu. Si tu fais quelque chose pour ton frère, faites-le de bon cœur comme au Seigneur. Tout ce que vous faites, ma sœur, pour votre sœur, Faites-les de bon cœur comme si vous le faisiez au Seigneur. Muifanye na moyo mwema sawa unamfanyia yo Bwana. Et derrière tout ce que nous faisons, yote ile tu kunafanya, nous le faisons pour notre salut. Tunaifanya juu ya wokovu yetu. Tout ce que vous pouvez dépasser pour le Seigneur. Le yote unaweza kutosha juu ya Bwana. Mais mon frère, vous le faites pour votre salut. Ndugu yangu naifanya juu ya wokovu yako. Amen. Amina. Parce que le Seigneur t'a sauvé. Kwani juu Bwana alikokoa. Parce que tu es un enfant de Dieu. Juu mtoto wa Mungu. Parce que vous êtes une fille de Dieu. Juu binti wa et Mungu. Et tout ce que vous faites, na ile unafanya, vous travaillez à votre salut. Unatumika ni kuokovu yako. Si vous payez quelque chose pour votre frère, mais c'est pour votre salut. Vous travaillez pour votre salut. Et d'ailleurs, le Seigneur n'est pas redevable. Tout ce que vous faites, le Seigneur va vous restituer ça d'ailleurs au centuple. Amen. Amina. C'est le temps de se réveiller du sommeil. Toka busingisi. Ce n'est pas le temps de dormir. Aina tena wakati ya kulala. Non, mes frères. Apana banduku zangu. C'est le temps de se réveiller du sommeil. Wakati ya kulamuka toka busingisi. Romains chapitre 13, verset 11. Warumi 13, cela importe d'autant plus. Et vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de servir le Seigneur. C'est le temps d'observer la parole. Soyez courageux. Il ne faut pas retourner en arrière. Il ne faut pas regarder à gauche ni à droite. Wala kuume, wala kushoto. Le monde passe. Dunia itapita. Et sa convoitise. Na tamaa yake. Mais c'est lui qui demeure dans la parole de Dieu. Lakini ule anadumu muneno la Mungu. Lui qui craint Dieu. Ule anamuogopa Mungu. Demeure éternellement. Atadumu milele. Amen. Amen. Nous devons combattre pour la foi. 1 Timothée chapitre 1 verset 18. Timothée wa kwanza sura ya kwanza mstari ya 18. 1 Timothée chapitre 1. Timothée wa kwanza sura ya kwanza. Nous lisons à son verset 18. Tunasoma mstari ya 18. Nous lisons ceci au verset 18. On a soma hivi. Les commandements Amri, que je t'adresse, Timothée, mon enfant, ile mina kwambia we Timothée, mtoto yangu, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, fatana matabiri ile barfanya masiku ya kunyuma juu yako weye, c'est que d'après elle, ya kwamba kufatana nayo, si combat un bon combat, ufate kupika vita mzuri, en gardant la foi mukuchunga imani et une bonne conscience. Na zamiri safi. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Zamiri bamoja bari ipoteza. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Na bari anguka muimani. Amen. Amen. Au lieu de garder la foi, ils ont fait la honte à la parole. Ce n'est pas bien, mais bien aimé. Au lieu de garder le commandement du Seigneur, vous le brisez. Au lieu de respecter les commandements du Seigneur, vous faites quelque chose qui donne la honte à la parole. Unafanya kitu cha kuletea haya kuneno la Mungu. Voyez. Unaona? Vous faites la honte au nom du Seigneur. Unaleta haya mujina la Bwana. Et les gens vont proclamer la victoire de Satan. Na bantu batatangaza ushindi ya Shetani. Vous faites la honte à l'église. Unaletea kanisa haya. Vous faites la honte au message. Unaletea ujumbe haya. Mais un jour vous allez répondre. Lakini siku moja utasamba. Gardez toujours la foi. Muendelee kuchunga imani. Gardez toujours la parole. Mwendelee kuchunga neno la Mungu. Regardez seulement ce qui est juste. Mwangalie paka ile ya kunyoloka ya mzuri. Regardez seulement à la paix. Mwangalie paka kusalama. Parce que le royaume des cieux, c'est la justice, ni waki, la joie et la paix. Fura na salama. Est-ce qu'un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, il bâche, très sirié, mwenye kushirika, il est très sirié, mwenye kushirika, à la maison, très sirié, kumulango, mwenye kushirika, partout vous passez très sirié, fashi yote kuna pita, mwenye kushirika, ce n'est pas de bonnes attitudes, ile aina ali mzuri ya kutenda. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de paix. Rome takatifu ni Rome takatifu ya salama. Le Saint-Esprit, c'est un esprit du Seigneur. Rome takatifu ni roho ya Bwana. Si le Saint-Esprit se trouve en toi, Rome takatifu iko ndani yako, il sera un homme de paix. Mtakuwa mtu wa salama. Là où il y a du trouble, pale peko mvuruko, si l'enfant de Dieu est arrivé, kama mtoto wa Mungu akifika pale, c'est la paix. Ni salama. Là où il y a du désordre. Pale peko fujo. Si le fils de Dieu est arrivé. Kama bintu wa Mungu akifika pale. C'est la paix. Itakuwa ni salama. Comment est-ce que là où il y a la paix? Na muna gani pale peko salama. Quand tu arrives là-bas. Wo kifika pale. C'est le trouble. Unaleta mvuruko. Ce n'est pas de bonnes attitudes. Ile aina ali mzuri ya kutenda. Romains chapitre 14 verset 17. Warumi sura 10. Le royaume du Seigneur c'est la paix. Ufalme wa Bwana ni salama. Si tu es un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, tu es un enfant de la paix. Mtoto wa salama. Parce que Jésus-Christ, kwani Yesu Kristo, il est notre paix. Eko salama yetu. Nous aussi, na sisi, nous sommes les enfants de la paix. Tuko watoto ya salama. Amen. Amen. Romains chapitre 14. Warumi sura 14. Chapitre 14 verset 17. Sura 14 mstari wa 17. Nous lisons ceci au verset 17. Nasoma hivi mstari wa 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Kwani ufalme wa Mungu haina mkula na mkunywa. Mais la justice. Lakini ni uwaki. La paix. Salama. Et la joie. Na furaha. Pour le Saint-Esprit. Kupitia Roho Mtakatifu. C'est-à-dire, nous sommes les enfants de la paix et partout nous allons passer, laissons toujours la paix. Manake tuku batoto asalama. Fazi yote tuku napita tuache po paka salama. Que la paix règne dans nos maisons. Salama ipate kutawala mumanyumba yetu. Que la paix règne dans nos foyers. Salama ipate kutawala mundoa yetu. Et la Bible nous dit, la Bible inatuambia, notre force, nguvu yetu, est dans la paix. Iko ndani ya salama. Notre délivrance, ukombozi yetu, est dans la paix. Iko ndani ya salama. Le peuple du Seigneur, taifa ya Bwana, réside dans les lieux de la tranquillité et dans la paix. Mubiungo ya salama na ya salama kabisa. Alléluia. Amina. Nous devons marcher avec la charité. Unapaswa kutembea na mapendo. Colossiens chapitre 3 verset 14. Wa Kolosai sura 3 mstari wa 14. Colossiens chapitre 3. Wa Kolosai sura 3. Colossiens chapitre 3. Wa Kolosai sura 3. Verset 14. Mstari wa 14. Nous lisons ceci. Tunasoma hivi. Mais par-dessus toutes ces choses. Yulu ya hivi vitu vyote. Revêtez-vous de la charité. Mvae mapendo. Qui est le lien de la perfection. Yenye kwa kiungo ya ukamilifu. Ça signifie quoi? Manake nini? Revêtez-vous de la charité. Mvae mapendo. Qui est le lien de la perfection. Yenye kwa biungo ya ukamilifu. Vous voyez, mon frère, ma sœur, dans la construction. Unaona ndugu na dada majengo. Il y a des pierres. Kuku majiwe. Parce qu'il y a des briques. Voilà, kuku matofari. Mais les maçons ne doivent pas se reposer seulement les pierres celles comme ça, non. Mjengazi hawezi kuweka tu maiwa na weka yulu yayo hivi bila pana. Il faut mettre des liens. Anapasha kuweka viungo, viunganisho. Il faut mettre du ciment. Anapasha weke po ciment. Pour coller les pierres. Jua kulamika maiwa mzuri. Mais la Bible lui nous dit. Biblia yoye natuambia. Que la charité. Ya kwamba mapendo. Et les liens. Jo viunganisho. C'est-à-dire quand nous marchons. Wakati tu kunatembea. Marchons avec les liens de la charité. Tutembee na viungo vya mapendo. Formons l'édifice du Seigneur par les liens de la charité. Na viungo vya mapendo. Que la charité nous lie. Mapendo pate kutunganisha. Ma sœur. Dada yangu. Que la charité vous lie. Mapendo pate kumiunganisha. Si l'un a un sujet de se plaindre contre un autre. Kama mmoja kuna mambo ya kunungunikia mwingine. Pardonnez-vous réciproquement. Murumiane pamoja kwa wengine. L'Esprit du Seigneur nous a dit que le christianisme est basé sur l'amour et le pardon. Ne regardez pas les mauvais côtés de ton frère. Ne regardez pas les mauvais côtés de ta sœur. Si tu la vois dans les rêves, va vers elle. Mon frère, venez me voir. Aidez-moi aussi. Unisaidie. J'ai aussi besoin du salut. Na mimi nahitaji wokovu. Aidez-moi aussi. Unisaidie mimi. Nous devons marcher dans la paix. Dans la charité. Dans la justice. Et dans la confiance. Ndani ya matumaini. Si je suis sauvé, kama et que je regarde mon frère, j'ai aussi la foi, que mon frère aussi est sauvé. Nikuwe na imani ya kwamba nduku yangu na yeye ashakokolewa. Si j'ai le Saint-Esprit, kama niko na Roho Mtakatifu, et que je regarde mon frère, nduku yangu, que je vois encore, nione tena. Mon frère aussi a l'Esprit du Seigneur. Na kwamba nduku yangu ule na yeye kuna roho ya Mungu. Si je suis né de nouveau, kama nishozaliwa mara ya pili, et que je regarde ma sœur, na nikiangalia ndugu yangu, elle aussi est née de nouveau. Manake na yeye anashozaliwa mara ya pili. Si je vois quelque chose qui ne voit pas, nione kitu yasiyo kuendeka. Va vers ton frère. Wende umuone nduku yako. Amen. Amina. Regardez seulement les bons côtés. Wangarie paka kubizuri. Ne regardez pas les mauvais côtés. Ushangare kubibaya. Nous devons croître dans la foi. Tunapashu komeya muimani. Croître dans la foi, c'est de ne plus parler le mal des autres. Quand on a fait mon essai pour commettre mon imani, vous utilisez des vivants et des andoukou fulani. Il ne faut pas parler de mal de mon frère. Quand on a commencé à commettre mon imani, vous utilisez des vivants et des andoukou fulani. Ne parlez pas de mal de mon frère. Vous commettez mon imani, ni kutunga sauti ya Mungu. Gardez la parole de Dieu. La foi est progressive. Imani ya kuendelea, ya kukomea. La foi n'est pas stagnante. Imani haina kusimama fasi moja pana. La foi ne recule pas. Imani hairudi yake nyuma. La foi progresse. Imani hiyo kunakomea, kunaendelea. Alléluia. Amen. Nous devons marcher de progrès en progrès. Tunapaswa kutembea mu maendeleo yule ya maendeleo. De victoire en victoire. Ma ushindi yule ya ushindi. De révélation en révélation. Ufunuo yule ya ufunuo. De don en don. Zawadi yule ya zawadi. De talent en talent. Zawadi yule ya zawadi. La foi est progressive. Imani yoy kunaendelea iko ya ukomea. Amen. Amen. Ce que nous étions en 2000. Kile tulikuwa mu 2000. Aujourd'hui en 2021. Nous avons déjà avancé. Et ce que nous serons demain. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Aina kile tukule. Et demain encore. Avec la même parole. Nous avançons toujours. Tout qu'on endeleye à tout. Amen. Faut pas rester par terre. Apana kubakia chini. Qu'on comprenne la parole. Babebe neno. Pour vous l'amener là où vous êtes. Juba kulete pale chini huko. Non. Apana. Si on a déjà avancé. Kama unesha endelea. Si on a déjà monté avec la parole. Kama unesha komea na neno. Vous aussi vous devez monter. Na wewe unapaswa kukomea. Croître. Kukomea. Parce que le Seigneur viendra prendre une église kanisa. Sans tache, bila taka, ni rude, ni rien de semblable. Il viendra prendre une église à mature. Atakuwa kubeba kanisa yenye komea. Même la nature nous enseigne. Hata asili yenyewe inatufundisha. Vous ne pouvez pas entrer dans les champs de maïs. Hawezi kuingia mashamba ya mihindi. Vous trouvez le maïs. Unakuta mihindi. Qui n'est pas encore mûr. Yashipo kuifia, yashipo komeya. Vous les récoltez. Unawivune. Pour aller les stocker au grenier. Je wende uichunge mgala. Non. Hapana. Ce n'est pas ça. Aina vile. Ça doit pourrir. Itaoza. On prend les maïs mûrs. Banavunaka mihindi ya ukomeya. Amen. Amina. Même le Seigneur. Hata Bwana. Il vient nous prendre. Hata kwa kutuchugua. Des frères et des sœurs. Banduku na badada. Mûrs dans la parole. Benye kukomeya muneno la Mungu. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, chaque fois on ouvre les portes du tabernacle, venez écouter la parole. La chair a sa nourriture. Mais l'âme aussi a sa nourriture. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Je peux avoir une mauvaise santé dans la chair. Nawezi kuwa na afya mbaya mwili. Mais spirituellement, alakini mukiro, j'ai une bonne santé. Niko na afya mzuri. Pourquoi? Parce que je suis nourri suffisamment dans l'esprit. Je minalishwa sana mzuri mukiro. Un jour, frère Branham est allé visiter un ami. Siku moja ndugu Branham alienda kutembelea rafiki. Il a trouvé cet ami là avait des chiens. Akakuta ule rafiki yake kwa alikuwa na baimbwa mbili. Un chien avec la couleur blanche. Imbwa wa rangi mweupe. Et un autre chien avec la couleur noire. Na imbwa mwingine wa rangi mweusi. Mais cet ami là lié ces déchets là. Alakini ule rafiki alifunga wale baimbwa wawili bale. Pour voir lequel de ces chiens va tirer l'autre. Jua kuona ni imbwa kani ule atakokota mwingine. Frère Branham a posé la question. Ndugu Branham akauliza. Souvent parmi ces déchets. Kila mara katikati ya baimbwa wawili. Lequel est plus fort? Ni wawapi ule kwa nguvu kushindia mwingine? Et son ami a dit. Rafiki yake akamwambia. Ça dépend de la manière dont vous allez les nourrir. Itafuatana na namna ile utabalisha. Si vous nourrissez beaucoup les chiens noirs, kama ukirisha mingi sana il doit tirer les chiens blancs. Ata, si vous nourrissez encore les chiens blancs, ukilisha zaidi il va tirer les chiens noirs. Et le prophète nous dit, nous aussi, na sisi, en nous, nous avons des natifs. Amen. Amina. Nous avons la natif. Spirituel yakiro, et la nature charnelle. Na asili ya kimwili. Mais si vous nourrissez beaucoup la nature charnelle, kama ukilisha sana frère, ma sœur, vous serez un homme charnel. Ndugu na dada, utakuwa mtu wa kimwili. Mais si vous nourrissez beaucoup le spirituel, kama ukilisha sana ule wa kiroho, le spirituel va vaincre le charnel. Ule wa kiroho atatawala ule wa kimwili. Vous serez un frère, utakuwa ndugu, ou une sœur spirituelle. Wana dada wa kiroho sana. Vous serez fort dans la parole. Utakuwa nguvu muneno. Vous allez vivre la parole. Utaishi sana neno la Mungu. Et nous croyons que la parole de Dieu neno la Mungu n'est pas pénible pour un véritable enfant de Dieu. Aina nguvu kwa mtoto wote wa kweli wa Mungu. Souvent les gens disent, kila mara watu wanasemaka, chez vous là-bas au tabernacle, il y a beaucoup de lois, beaucoup de lois, makanuni sana, il y a beaucoup de, mais nous-mêmes du tabernacle, si venez va mon tabernacle, on ne voit même pas ces vigiles là, on ne voit même pas ces lois là, parce que ces vigiles là, c'est ça notre vie, joignez maisha yetu. Alléluia. Amina. La parole de Dieu n'est pas pénible. Neno la Mungu haina ya nguvu. Si jusqu'à ce soir, mon frère. Kama kufika na magharibi leo. Si jusqu'à ce soir, ma sœur. Kama kufika na magharibi. Cette parole est pénible pour toi. Iko nguvu kwako. Il y a quelque chose qui ne va pas. Manake kukita kinene. Cette parole, c'est la nourriture de nos âmes. Ni chakula ya manafsi yetu. Nous sommes contents quand nous écoutons la parole. Tumu na furahikia wakati tunasikia neno la Mungu. Et David disait, j'ai la joie quand on me dit, d'aller à la maison de l'Éternel. Nikuna furaha wakati wananiambia sema twende munyumba wa milele. Atuyachokaka. Nous ne sommes jamais fatigués. Jusqu'à ce soir. Kufika na magharibi ya leo. Je me sens comme si je n'ai jamais servi le Seigneur. Ni unajisikia sawa mishi ya mtumikiaka ta Bwana. Vous aussi. Na mwenye. Si vous aimez le Seigneur. Kama mnampenda Bwana. Vous allez vous sentir. Jusqu'à présent. Kwamba kufika na sasa Bwana. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ni nini tena ile binafasi kufanyia? Nous sommes toujours. Tu unajisikia. Comme si on n'a jamais servi le Seigneur. Sawa atuya mtumikiaka Bwana. Nous avons toujours la soif. Tuko kila mara na kiu. La faim. Na njala. D'attendre la parole de Dieu pour que la parole de Dieu nous fortifie, pour que nous lui servons avec force, pour que nous lui servons avec joie, parce que cette parole, sans cette parole, c'est la mort. Sans cette parole, c'est la mort. Bila neno la Mungu ni lufu. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre sur cette terre sans la parole. Mtoto wa Mungu hawezi kuishi hapa pa dunia bila kuwa na neno la Mungu. La parole de Dieu. Kwani neno la Mungu? C'est la nourriture ni chakula de notre âme. Ya nafsi yetu. De Pierre chapitre 3 verset 18. Petro wa pili sura 3 mstari wa 18. Nous vivons les temps de la fin. Tunaishi nyakati ya mwisho. Le Seigneur use encore de la patience. Bwana angali tena anatuvumilia. Nous vivons un temps de la patience du Seigneur. Tunaishi mwakati ya kuvumilia kwa Bwana. Le temps est trop avancé. Wakati nishaenda sana. Que vous ne le pensez pas. Bila mwezi kuiwazia. De Pierre chapitre 3. Petro apili sura 3. Commençons verset 9. Peut-être nous allons terminer par ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de la patience envers vous. Ne voulant pas qu'aucun de vous périsse. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Au verset 18. Mais croissez dans la grâce. Et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous devons croire. Croître dans la foi, croître dans la grâce, croître dans la connaissance de la parole. C'est quand vous venez écouter la parole. Comme l'Esprit du Seigneur nous a dit hier, ayez un dépôt de la parole. C'est très important mon frère. C'est très important ma sœur. Ayons un dépôt de la parole. Tupate kuwa na dépôt ya neno la Mungu. Quand un jour on va fermer nos églises, la même parole que vous négligez, c'est cette parole qui vous aidera. Amen. Gardez la parole. Muchunge neno la Mungu. Ayez la foi. Tout ce que le Seigneur prononce, nasema, ça doit s'accomplir. Nous terminons par Josué chapitre 21. Joshua, sura makumi mbili na moja. Josué chapitre 21. Joshua, sura makumi mbili na moja. Verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, tout est accompli. Si tout ce que le Seigneur avait dit à Israël, tout s'est accompli, nous aussi ce soir, toutes les promesses de l'Église, et pour nous, toute la parole du Seigneur que nous écoutons est pour nous. Amen. Amina. La parole de Dieu c'est pour toi mon frère. Neno la Mungu ni yako wewe ndugu yangu. Ne regardez pas à votre voisin. Ushangarie kwa jirani wako. Ne regardez pas ma sœur à votre voisin. Dada yangu shangarie jirani. Cette parole c'est pour toi. Hii neno ni yako. Le salut est individuel. individuelle. Si on disait que ici au tabernacle, il y a une personne qui sera enlevée, ne faut pas de calcul. Dites seulement, cet homme-là, c'est moi. Les royaumes des cieux, ce soir, ce sont les violas qui s'en emparent. Léo Kofu, aujourd'hui les saluts, Nibale Begonarika Makamaya Yesu, c'est ceux qui sont violents de Jésus-Christ, ce sont ceux-là qui se sont yako. À la parole de Dieu, que ça soit pour toi. Parfois je m'étonne, Kinamara, quelqu'un fait de mal, muto anafa vibaya, on ne prend pas une discipline pour lui. Avamchugue ma mipango. Si vous trouvez quelqu'un aussi, utakuta mwingine nanye, il commence à faire des problèmes, nanye, anza fanyi vibaya, pourquoi tu fais ça? Je ne vais pas le flanger. Qu'est-ce qu'on lui avait fait? Mais tu ne comprends pas. Ah, ouais, qui t'a dit que lui c'était un enfant? Qui t'a dit que lui ira dans l'enlèvement? L'enlèvement c'est pour toi. Amen. Amina. L'enlèvement c'est pour toi. Faut pas regarder ton frère. La Bible nous dit, les zéros iraient même lui, les zéros et l'autre est resté. Amen. Amina. Croyez la parole de Dieu selon ce que Dieu fait pour toi. Et Dieu honore celui qu'il honore. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Mungu amebariki sana.